Merci de nous avoir invités pour ce séminaire. C'est la deuxième fois qu'on vient, en fait. Enfin, on n'est jamais exactement les mêmes, mais on est un peu interchangeables à l'intérieur du groupe sur l'enquête précarité. On était venus, je ne sais plus, l'an dernier, pour présenter le rapport. Donc, ce que je vais faire, c'est que très brièvement, je vais faire une petite genèse quand même du bouquin qu'on vient de terminer sur la précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche, pour expliquer un peu d'où ça vient, comment ça s'est construit et pour quelles raisons. On vous a fait passer, c'est passé ou pas le... Ouais, on a deux documents qu'on vous fait passer, parce qu'on a oublié de demander un PowerPoint. Donc il y a d'une part le sommaire du livre à venir, pour vous donner une idée, et puis des chiffres qu'on présentera par la suite dans notre exposé. Donc, au départ de cette enquête précarité, en fait, tout a commencé, là aussi... Pendant les mobilisations du printemps 2009, la Coordination nationale des laboratoires en lutte avait fait notamment un appel à un comptage des précaires, que tout le monde compte les précaires dans les lieux où ils travaillaient pour avoir une idée de ce que ça représentait, avec le sentiment évidemment que ça regroupait beaucoup de monde et que c'était en voie d'accroissement important du fait des réformes en cours. Donc localement, sur un site du CNRS qui se trouve rue Pouchet dans le 17e à Paris, qui est un site de SHS, où il y a essentiellement des sociologues et puis des historiens, on a pris au sérieux cet appel-là. Et puis comme on était beaucoup de sociologues, ben on n'a pas juste fait du comptage, on a fait un questionnaire en fait, en se disant que c'était un moyen de connaître les conditions de vie et surtout de travail réel des précaires du site. On a été très surpris, pas tellement des résultats, mais du nombre, de la proportion de précaires qu'il y avait sur notre site. Pour vous donner une idée, on est à peu près 80 statutaires et il y avait 70 précaires qui ont répondu à notre enquête. Donc on peut se dire que ça fait, en termes de proportion, c'est pas représentatif des proportions nationales, mais ça dit quelque chose de l'importance en tout cas de cette population-là. Et ça a été une action très, très, très importante localement. Parce que de nombreux précaires ne se retrouvaient pas dans les mobilisations de 2009, dans les appels à la mobilisation. Ils disaient, c'est le problème des maîtres de conf et des chercheurs, des profs, mais en fait, il n'y a rien qui concerne les précaires, donc ça ne nous intéresse pas, cette mobilisation. Et ça a été l'occasion, donc, d'inclure... de façon plus importante ces personnes qui ne se reconnaissaient pas dans cette mobilisation. Et puis, pour la construction du questionnaire, en fait, il a fallu que des gens très différents, de générations différentes, de métiers différents, de statuts ou non-statuts différents, de discuter et puis de faire des découvertes sur ce que c'était que la précarité en 2009 et que voilà, les choses changeaient. Et puis finalement, de découvrir aussi pour les plus jeunes qui étaient précaires que ce n'était pas complètement nouveau la précarité parce que d'autres plus anciens parlaient d'expériences des années 80, etc. Donc voilà, ça a été comme ça une expérience très très très intéressante, je crois, et donc on s'est dit que ça valait peut-être le coup de monter ça à un niveau plus national, et on l'a proposé à l'intersyndicale, voilà, de développer une enquête qui soit plus large et qui touche l'ensemble du territoire. Donc c'est ce qui s'est passé. L'enquête a été construite, un petit groupe s'est constitué, qui est le groupe à peu près qui a écrit le livre aujourd'hui. Alors on s'est autodénommé le collectif PECRES, P-E-C-R-E-S, donc pour l'étude des conditions de travail dans la recherche et l'enseignement supérieur. Donc il ne vous échappera pas que le travail a disparu, enfin qu'il n'y a pas de T dans PECRES, et bon, on trouve que symboliquement c'est assez... ça nous plaît bien comme ça, parce que voilà, c'est quand même... c'est une blague et en même temps, ça dit quelque chose aussi de la continuité de cette ministre qui reste, qui fonctionne bien, qui travaille bien, qui fait ce qu'il faut, qui est bonne pour que ça marche. Donc on se dit que ça résonne, c'est pas un nom anodin et ça nous a constitué comme ça. Donc quand on a fait, on a lancé donc une enquête par Internet. Parce que c'était une façon de toucher un maximum de gens, parce que de nombreux précaires en fait n'ont pas de lieu de travail, donc une façon de les toucher, ça peut être par Internet plus que par n'importe quoi d'autre. Et puis parce qu'en plus, dans le milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, quand même, l'outil Internet n'est pas complètement un truc bizarre, donc on s'est dit que ça pouvait fonctionner comme ça, et ça a bien fonctionné, puisqu'on a eu 4400 réponses, dont 1000 les 36 premières heures, donc on a bien senti qu'il y avait quand même une attente qui était forte de ce côté-là. Et donc pour vous donner une petite idée, La constitution de l'enquête, enfin la destination de l'enquête plus exactement, c'était non seulement les chercheurs, mais tous les métiers de la recherche qu'on oublie souvent, qui sont très oubliés d'une façon générale, y compris parmi les statutaires, qui sont très oubliés dans la dénonciation de la précarité, par exemple, qu'on peut voir quand elle apparaît un peu dans les médias. C'est toujours ces surdiplômés qui sont précaires, c'est scandaleux. Mais bon, les autres, il n'en est pas question. Donc pour nous, c'était très important. Et ça, c'est important dans le bouquin dont on va vous parler après. C'est d'entrer dans l'étude des conditions de travail dans la recherche et l'enseignement supérieur par la précarité. Ce qui n'est pas simple parce que du coup, ça écrase plein d'autres aspérités. Enfin, on a essayé de montrer les variations en fonction des disciplines, en fonction des métiers. Mais c'est important pour nous d'entrer par la précarité comme condition commune. Après, évidemment, ça bouge en fonction des gens, en fonction des âges, en fonction des lieux. Mais c'est une intention que d'entrer par là. Et donc, quand on a dépouillé l'enquête, on en a fait un rapport qui a été rendu public en février 2010. Donc, il était vraiment un rapport qui collait aux résultats de l'enquête, donc à la façon qui est vraiment le questionnaire est vraiment axé sur les pratiques, les conditions matérielles des gens, avec des commentaires libres en fin. Et on s'est dit que ça valait la peine de porter ça autrement, c'est-à-dire par la voie d'un livre pour une diffusion autre. Là, pareil, hein, ça résonne avec le milieu. Enfin, ça a du sens. Ça nous semblait que ça avait du sens de faire ça sous forme de livre dans ce milieu-là aussi pour une plus grande réception. Et puis parce qu'on voulait monter un peu en généralité par rapport à l'enquête elle-même, c'est-à-dire passer de la simple description des conditions de travail des précaires, donc de la précarité matérielle. Donc ça, on l'a décrit dans le livre parce que c'est ça qui est le plus important, à l'idée de précarisation de non seulement des personnels, mais de la production et de la transmission des savoirs. Donc l'idée, le passage du rapport au livre, c'est ça quand même essentiellement. C'est à la fois donner les résultats bruts parce que c'est ça qui compte, donc du point de vue des individus, mais voir les effets que ça a dans les relations de travail d'une façon générale, et finalement les effets que ça a dans la production et la transmission de la recherche, pour dire aussi que ça concerne tout le monde et pas que les précaires, enfin, que c'est l'ensemble des métiers qui sont redéfinis. Voilà, donc je laisse la parole à Nick. Oui, alors une des premières choses à laquelle nous avons été confrontés, c'est l'estimation des précaires dans la recherche et dans l'enseignement supérieur. Nous savions par les rapports, les bilans sociaux des organismes de recherche qu'il y avait une forte explosion de la précarité, notamment depuis la création de l'Agence nationale de la recherche. Au CNRS, par exemple, l'augmentation entre 2006 et 2008 est de 33% hors doctorants pour les personnes physiques qui ont été embauchées au CNRS. Enfin, pardon, 17% pour les personnes physiques et 33% en équivalent temps plein, donc sur 3 ans. C'est un petit peu plus quand on prend en compte 2009. Dans le même temps, les effectifs de titulaires au CNRS diminuent. Hein, on a une variation en pourcentage de 1,5 entre 2006 et 2008 qui se poursuit les années suivantes. Donc on a bien une explosion. Alors si on pouvait, on a la même chose à l'INSERM, où on a une forte croissance également des précaires qui atteignent maintenant à peu près 40% des personnels salariés de l'INSERM. Il était, par contre, nous n'avons rien pour les universités, dans la mesure où il n'y a pas de bilans sociaux. Il faudrait consulter les bilans sociaux des universités. Alors nous avons, comme source, nous avions le rapport de l'OST, mais qui ne s'intéressait en fait qu'aux chercheurs et pas à l'ensemble des précaires. Les précaires touchent toutes les catégories de personnel. Donc on a une impossibilité d'estimer la précarité. On pense qu'elle atteint à peu près 20-25% des personnels dans les universités. Donc ce n'est pas du tout un épiphénomène. Et d'autre part, il y a une explosion récente de la précarité dans l'ensemble de la recherche et de l'enseignement supérieur. Cette forme n'est pas nouvelle. Quand on regarde l'histoire de la recherche et de l'enseignement supérieur, on voit bien qu'il y a eu des moments d'accordéon. La recherche s'est développée essentiellement d'ailleurs par des emplois qu'à l'époque on n'estimait pas précaires, donc en dehors des enseignants, qui eux avaient été titulaires d'une chaire. On a eu dans les années 70, pour parler d'une époque plus récente, une explosion des emplois qu'on appelait hors statut dans les disciplines nouvelles, hein, essentiellement, on l'a beaucoup connu en sociologie et en ethnologie, et avec à chaque fois une lutte des personnels qui a amené des plans d'intégration des hors statuts qu'on a vus donc à partir des années 80, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir d'ailleurs, et de la titularisation parallèle des contractuels du CNRS et des organismes de recherche. On a eu un plan d'intégration qui a duré assez longtemps. Puis d'autres formes de précarité sont apparues. Donc on a des mouvements à la fois de développement de la précarité, puis d'intégration des précaires dans un statut de titulaire, et à nouveau des développements de la précarité. La nouveauté, c'est actuellement donc avec la RGPP, quoi, donc c'est la volonté de réduire le nombre de fonctionnaires. Et pour cela, de développer la précarité et de développer des nouveaux types de statuts sous forme de CDI. Donc il ne s'agit pas pour le gouvernement de réduire en fait la précarité, hein, contrairement à ce que pourrait dire Tron quand on écoute son discours, mais bien plus de moraliser et d'encadrer en fait des formes d'emploi qui représentent une part très importante de l'emploi dans le secteur, et donc d'éviter toutes les formes qui étaient que l'on a pu rencontrer nous, qui étaient l'absence de salaire, l'absence de reconnaissance de la carrière antérieure, etc., etc. Si on veut pouvoir attirer des personnes sous contrat précaire dans la recherche et l'enseignement supérieur, il faut en même temps, dans une époque où il y a une concurrence aussi avec un attrait de l'étranger et un attrait du privé, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre d'avantages qui soient liés au statut de contractuel. Et donc l'idée est plutôt de moraliser une partie de la précarité. Avec la politique actuelle de déclin des organismes de recherche et de montée en puissance, comme ils disent, des universités, On pourrait assister, si l'on écoute la direction du CNRS, je crois que c'est la même chose à l'INSERM, on pourrait assister à une régression des CDD. Hein, les directions d'organismes ont décidé de ne pas renouveler le nombre de CDD à hauteur dans les organismes. On pourrait s'en réjouir en disant, tiens, enfin, ils veulent mettre fin à la précarité. En réalité, il faut le mettre en rapport justement avec ce déclin du CNRS. C'est-à-dire à partir du moment où les unités vont être gérées par les universités, il reviendra bien aux universités de recruter les précaires qui jusqu'à présent étaient recrutés par le CNRS. Donc en fait, on va assister à un transfert d'une partie de la précarité qui existait au CNRS vers l'université. Donc de ce point de vue, nous ne sommes pas du tout... nous ne sommes pas du tout optimistes sur la... Donc le discours justifiant la précarisation est assez ancien. On connaît les discours qui étaient apparus dans les années 80 et 90, stigmatisant les chercheurs recrutés à vie. On n'est pas productif tout au long de sa vie, donc il fallait trouver des formes nouvelles. D'abord... il faut un temps plus long pour que le chercheur fasse ses preuves. Celui de la thèse ne suffit pas. Donc on crée des postdoctorats pour les jeunes chercheurs. Mais c'est aussi, cette politique est également en concurrence avec un nouveau mode d'organisation de la recherche par appel d'offres, où en fait ce n'est plus la recherche de long terme qui est valorisée. mais des recherches pour une durée limitée, sur 3 ans si possible, et donc avec un recrutement de personnel qui travaille uniquement sur cette durée. Isabelle parlera de ce qu'il en est pour les autres catégories de personnel. La précarité, c'est également la variable d'ajustement. Il est facile de réduire d'une année sur l'autre le nombre de précaires. C'est également une possibilité pour, dans le cadre de l'autonomie des universités, de développer l'emploi sans augmenter le nombre de fonctionnaires. Et donc pour assurer une partie des cours. Nous avons été frappés, nous qui sommes CNRS et connaissons assez mal les universités, nous avons été frappés de l'importance que revêtait justement la précarité chez les enseignants notamment dans les disciplines littéraires. Donc c'est également une plus grande flexibilité au niveau économique. On va pas tout couvrir. Ce qu'on voulait dire pour finir, c'était, comme c'était le thème du séminaire était sur la professionnalisation, c'était de montrer un peu en quoi la précarité était en fait une forme de professionnalisation dans l'exclusion. Enfin, que à la fois, ce qui est très important d'abord pour comprendre ce que ça signifie concrètement dans la vie des gens, c'est de voir la discontinuité des revenus, la discontinuité des contrats, la recherche de contrats, les délais, enfin tout ce qui fait les conditions de la précarité, de dire aussi de façon forte que c'est pas que des histoires de post-doc, la précarité dans la recherche et enseignement supérieur, et c'est pas que de la transition, c'est des carrières qui peuvent s'installer dans la durée, c'est devenu une perspective de toute façon d'emploi, c'est pas juste un moment, et ça concerne tous les métiers, et même d'abord plutôt en premier les catégories d'ouvriers et d'employés, donc les catégories B et les catégories intermédiaires, qui sont les premières en fait à être touchées et le plus massivement par cette précarisation, notamment par l'externalisation de pans entiers, alors la restauration, l'entretien, mais aussi gestion des ressources humaines, mais enfin beaucoup de choses qui sont comme ça, qui sont sorties quoi du statut, de façon très importante, l'informatique aussi, enfin il y a beaucoup de métiers qui sortent. Et ce qui nous semblait important par rapport à tout ça, donc qu'on décrit de façon détaillée à la fois dans le rapport et dans le livre, c'était de dire qu'évidemment, ça avait des effets forts au point de vue individuel et dans les relations de travail, et que c'était une forme qu'il y avait une constitution, comme ça, une formation à l'exclusion matérielle, d'abord parce que beaucoup de précaires, non seulement gagnent mal leur vie, mais on peut avoir des liens avec les lieux de travail très distendus, ils n'ont pas forcément de bureau, ils n'ont pas forcément de matériel, donc ça a des effets évidemment très forts sur même leur sociabilité professionnelle, et donc, y compris sur leur perspective d'éventuelle entrée dans le statut, puisque il y a une espèce de cercle vicieux comme ça qui se construit, mais l'exclusion se fait aussi en termes de représentation dans les instances électives, d'abord soit parce que c'est pas possible, c'est pas pensé, etc., soit quelquefois on a bien pensé que des précaires qui étaient là depuis un petit moment, ça serait peut-être pas mal quand même qu'ils aient une voix au chapitre pour certains sujets, mais en fait on s'aperçoit que concrètement à mettre en place c'est quand même très compliqué, les gens qui sont là pour 6 mois, 8 mois, enfin comment est-ce qu'on leur construit un mandat, ensuite au nom de quoi, on va pas faire une catégorie précaire, enfin dans la mesure où ça regroupe des métiers très différents, en quoi par exemple un chercheur précaire pourrait parler au nom d'une secrétaire précaire, enfin il y a quelque chose comme ça qui se construit, il y a aussi une résistance très forte et qui se comprend très bien de la part des précaires à ce genre de choses, c'est que la précarité, le non-statut précaire, c'est aussi un stigmate, puisque c'est pas juste être moins bien payé, moins bien loti, etc. C'est être associé, c'est dans un métier où c'est quand même le statut de titulaire qui est dominant, c'est celui qui est légitime, et donc ne pas avoir ce statut, c'est ne pas être achevé, c'est être moins bon. Ça renvoie à beaucoup de choses comme ça en termes de légitimité. Ça s'entend aussi dans le discours des statutaires qui peuvent être hyper réticents à la mobilisation contre la précarité en disant mais après tout nous on a passé le concours donc nous on y est arrivé, donc il y a comme ça toute une un rapport de force qui s'établit et qui se retrouve très fortement dans la vie quotidienne des gens et dans les relations de travail, puisqu'on voit très bien qu'en fait, aux hiérarchies qui existent déjà dans le milieu, évidemment, se double une hiérarchie entre statutaires et précaires, quels que soient les métiers, quelles que soient les places occupées. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une dépendance très forte qui se crée entre les deux et qui, évidemment, a des effets forts. Donc voilà, il y a des formes d'exclusion comme ça très fortes qui se créent. Bon, on pourrait discuter, enfin, je pense que ça, on n'a pas besoin de vous en convaincre, des effets que ça peut avoir sur la production même du travail, donc de la recherche et de la diffusion des savoirs, et donc qui affectent l'ensemble des métiers. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui ont répondu à l'enquête, une chose sur laquelle ils insistent fortement, c'est d'impliquer les statutaires dans leur mobilisation, qui pour l'instant est faible, qui est en train de grossir, ceci dit, parce que l'année 2010 a été marquée par plusieurs mobilisations locales difficiles. Et ils appellent les statutaires à se mobiliser avec eux, avec notamment l'argument qu'au-delà de leurs propres conditions, c'est l'ensemble des métiers qui sont affectés et des statuts.